Toujours avec Jack et Bob de Road to Hellfest pour donner nos immanquables cette fois du vendredi. Donc la vidéo du jeudi est déjà dispo, on vient de la tourner. On va aussi tourner le samedi et le dimanche. Jack et Bob, spécialistes du Hellfest avec leur podcast depuis 2018, si je dis pas de bêtises. C'est pas début 2017? Peut-être. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas Ça sûr. fait 8 ans. Ok. Voilà. Bon, ben, à vérifier par les spécialistes. Ben, on reprend. J'ai un Jack qui avait frisé. Non, mais t'inquiète, ça va Hop, repartir. c'est Faut bon, pas que tu ouais, te. c'est bon, c'est reparti, c'est Ouais, faut reparti. pas que t'aies peur. Donc on reprend de nouveau le même contexte. Tous les trois, on va proposer un groupe qui pour nous est immanquable pour la journée du vendredi, en évitant les têtes d'affiche, les sous-têtes d'affiche et globalement les groupes de main stage parce que souvent plus connus que les autres. On va garder exactement le même ordre sur toutes les vidéos, je pense. Donc Bob, je te propose de nous parler Okay. de ton groupe du vendredi, donc dis-nous tout. Alors, le bon groupe du vendredi, ça va être Sandrider. Sandrider, tout simplement. Je recherche deux, trois petites infos pour nous aider. C'est un groupe, on va dire, de gr stoner grunge, voilà, de Seattle, formé en 2008. Et ils ont 5 albums. Le dernier sorti en 2023. Donc, qu'en dire, c'est excellent. Voilà. C'est péchu, ça, c'est énergique. Très très bon, très très bon groupe. Je ne sais plus à quelle heure il passe, par contre. 14h20, 15h05. Je l'ai sous les yeux. Ouais. Oui, Ok. c'est tout à fait. Je l'avais, mais je ne l'ai pas dit, désolé. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce groupe, mis à part que voilà, c'est très très bon. Ça sent le soleil, la poussière. Voilà. Un peu sludge, un peu heavy. Enfin, c'est très très bon, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de les voir. Ouais, de base, toi, t'es quand même très client de tout ce qui est un peu grunge. Grunge Stoner, tout ça, ouais, c'est Ouais. vraiment. C'est un peu macabre, ouais. Jack, un avis dessus? Ouais, non, non, j'ai beaucoup aimé moi aussi Sandrider, ça a été une super découverte cette année, qui était, alors pour le coup, lui aussi, il s'est retrouvé être groupe de la semaine, on était trois à dire immanquable dessus en fait. Donc, tu vois, Ok, donc gros sur cet succès, ouais, pour vous. épisode-là, ouais, parce qu'en fait, c'était vraiment les deux groupes de Tonai, qui est un des membres de notre podcast, et c'était deux super découvertes, il y a eu Softplay immanquable pour la moitié du groupe et Sandrider immanquable pour 3 sur 4. Donc vraiment, on a tous adoré. Il y a un truc d'énergie en plus qui viennent amener sur scène qui est vraiment très très sympa. En fait, clairement, si ça aurait pu être, si je me suis réveillé un peu tard pour le choix des groupes pour cette émission, mais sinon je pense que j'aurais pu le mettre celui-là ou celui que... Nico, elle est gentillesse de me laisser. Donc non, ça fait partie de mes grandes et belles découvertes de cette année, des groupes que j'ai vraiment beaucoup aimés et je serai devant, c'est sûr. Ok. Écoute, moi de mon côté, j'ai pas eu le même effet waouh que vous. J'ai pas détesté les loin de là. Je me suis même mis comme étant un groupe que je peux aller voir, vraiment. Mais ça n'a pas été le même coup de cœur que ce que vous avez pu avoir. Mais peut-être aussi. Par le style aussi, parce que moi le grunge me parle pas forcément autant. Enfin voilà, le stoner ça va, j'aime bien ça, j'aime quand même beaucoup ça, mais l'aspect grunge m'a peut-être un petit peu refroidi. Je t'avoue que ça fait peut-être aussi un moment que je l'avais écouté et je l'ai plus trop en tête. J'essaierai d'aller rejeter une oreille mieux que ça, parce que j'ai écouté deux morceaux là avant qu'on enregistre. Tu vois? Et Ah non, pardon, en fait je t'ai vu ouvrir la bouche, Donc j'ai cru que tu Ah avais non, un non, truc à pardon. dire, donc je t'ai laissé parler. J'avais un truc à dire, mais Ah, j'allais te tu laisser vois? finir. Oui, tout à fait, excuse-moi. Non, non, en fait, j'allais dire, mais en même temps, comme tu disais, le grunge et tout ça, mais je trouve que juste, il y a une espèce de. Le grunge revient un peu à la mode. En tout cas, il y a beaucoup de groupes qui en mettent un petit peu dans leur musique en ce moment. Et c'est quand même un groupe qui, justement, vient de Seattle et donc du berceau du grunge. C'est un peu évident qu'ils dans leur sludge, ils viennent un petit peu en mettre, quoi. C'est un petit peu. Ouais. Et justement, c'est ce mélange-là qui marche bien, je trouve, moi. Parce que ça nous fait vraiment penser à un style d'avant, mais un peu pas forcément remis au goût du jour, mais actuel. Et je trouve que ça, c'est aussi ça qui marche bien. Okay. Non, mais après, Pour ma part. Non, non, mais il n'y a pas de. je suis loin d'avoir détesté, j'ai trouvé ça intéressant quand même, ouais. Et donc, bah, faut aller voir, quoi. Faut, hein, faut y aller, mec. Hop. Bah écoute, Jack, la parole est à toi pour bah, ton groupe, ou plutôt mon groupe, enfin non, ton groupe de la journée. Alors en fait déjà faut dire que bah, pour la journée du vendredi c'est un peu compliqué quand même, hein. Il y a des bons groupes mais pour trouver un immanquable c'était quelque chose un peu ça a été moins évident que sur les autres journées où il pouvait y en avoir plusieurs et en l'occurrence eh ben, je suis arrivé un peu après la bagarre parce que Nico en grand professionnel déjà bah, je pense qu'il passerait un très mauvais moment en notre compagnie tellement nous c'est pas ça mais en tant que mec carré il avait bien prévu les choses, il nous avait dit de bonne heure. Mettez vos groupes qu'on puisse décider ensemble. Et moi, je suis arrivé en dernier après la bagarre. Il me resterait plus rien du tout. Et ce matin même, Nico m'a dit, non, mais vas-y, prends celui-là si tu veux. Je m'en fous, je m'arrange. Voilà. Et donc, il m'a effectivement laissé le plaisir de pouvoir prendre Warm Sand, qui est un groupe que on a adoré, qui a été aussi un groupe de la semaine lors de l'épisode où il est passé. C'est vraiment un groupe qu'on a kiffé. Et en plus, on a eu la joie et le plaisir de les interviewer. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a une interview du groupe. Sur notre site de podcast. Mais d'abord, je vais un petit peu en parler. C'est un groupe de stoner sludge et également grunge, parce qu'ils ont pas mal d'influence grunge dans leur musique. En même temps, en plus, ils sont fans d'Alice in Chains, donc c'est un petit peu cohérent. C'est un groupe qui n'est pas si vieux, parce qu'il date de 2018, et ils ont deux albums. Et je ne sais pas si toi, tu vas être d'accord avec ça, Nico, mais leur deuxième album a une pochette qu'on a déjà vue un peu partout. C'est une pochette, parce qu'elle fait un peu aussi penser à une de Mastodon, si je dis pas de conneries. Mais c'est une pochette qui était un peu. Moi, elle m'a beaucoup marqué et je l'ai vue beaucoup. La pochette, c'est You the King. Est-ce que vous voyez laquelle c'est, les amis, ou pas du tout? Et vous allez me dire, Ouais, pas du un peu Bordeaux avec la couronne. Ouais, tu vois, toi, Nico, ou pas du tout? Celle-là. Ça. Oui, celle-là, exactement. Et est-ce que tu l'avais vu passer? Parce que moi, c'est un album que j'ai beaucoup vu passer, en fait, justement, dans plein de trucs. Et je Oui. l'avais écouté avant le Hellfest, parce qu'il est sorti au mois de novembre 2024, et je l'avais déjà écouté avant, en fait. Enfin, avant de me rendre compte que c'était le groupe qui était au Hellfest. Et donc, c'est un. Je sais pas comment mieux vous le décrire que. Bah, écoutez cet album, en fait. Il y a tout qui est dedans. C'est 8 titres, moins de 40 minutes, et il y a tout le style du groupe. Donc, comme j'ai dit, un peu de sludge. Un petit peu de stoner, un petit peu de grunge, une voix un petit peu à la Cadavar, je trouve, moi, pour ceux qui aiment bien. C'est un peu de cette façon-là. Et c'était un vrai coup de cœur. Et franchement, en plus, les mecs sont super cool. Donc, je ne saurais pas. Faites l'essai, en fait. Si vous aimez, vous allez adorer. Et puis, en plus, comme c'est un petit groupe français et qu'ils ouvrent la vallée à 10h30, voilà, moi, je soutiens ma scène française. Donc. Franchement, un gros coup de cœur et j'ai très très très hâte d'y être. Écoute, je peux que te suivre sur Warm Sand, étant donné que je comptais parler d'eux à l'origine. Donc oui, non, mais moi c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'ils font musicalement. En plus, franchement, l'ouverture de la vallée le matin par un groupe français avec ce style-là, ça fonctionne toujours trop bien. Il n'y a pas trop de monde, c'est vraiment un parfait équilibre. L'an dernier, de la même façon, il y avait. Ah, j'ai perdu le nom du groupe, mais tu l'as peut-être. Un groupe bordelais qui avait Red Sun ouvert. Atacama? Oui, c'est ça. C'est Red Sun Je me souviens. qui avait ouvert et qui pareil, avait tout déchiré pour l'ouverture. Non, franchement, Excellent. Ouais. c'est pour moi l'un des groupes les plus à voir de toute la journée. Vraiment. Donc, je. Et petit fun fact, Quand on leur a dit, on leur a parlé un petit peu du Hellfest et qu'ils nous ont, je leur ai dit, ça vous embête pas de jouer maintenant sur une vallée et plus sous la vallée? Et ils ont dit qu'ils étaient encore plus contents, ça les dérangeait pas du tout, quoi. Ils ont quand même joué au pied d'un volcan ou dans un volcan, je sais plus si, l'un Au des deux. pied, ouais. Au pied d'un volcan. Ouais. On peut retrouver le live sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Bref. Un groupe à suivre et à défendre, ils le méritent. Et toi, Bob, pour Warm Sand, Ah, tu suis très, aussi? non. Ouais, complètement, complètement. Excellente découverte. Et, des mecs très sympas, une très très bonne musique. Rien d'autre à dire. Voilà. Faut courir. Allez les voir. On Normalement, il peut y y a aller en marchant. 30 minutes entre l'ouverture de la cathédrale et le début du concert, donc pas besoin de courir, mais Normalement, on est large. suffit juste de penser à se Exact. lever pour les plus feignasses. C'est Ah, ça. je vise personne, et ici, je sais que tout le monde est levé à 10h30. Ah, mais il y en a qui a plus de mal que l'autre quand même. Hein. Attention, mais oui, on y arrive. On y arrive. Il a fait. Hey, tu vois, je dis pas souvent de compliments de mon frère au Bob, mais mec, tu t'es beaucoup amélioré de ce côté-là avec le temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah après, il ressent aussi le plaisir et la joie de pouvoir aller voir un concert et se déplacer sur le site sans être bousculé, sans avoir tout le monde déjà sur place. Ça y joue Ouais, beaucoup aussi. je deviens Ouais, vieux, c'est ça que tu veux dire? on pourrait le dire, mais non, en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de regrets d'avoir raté justement plein de concerts si tôt, là où il n'y avait personne, en fait. Et se dire, putain, c'est trop con. En rater un en milieu de journée où c'est blindé partout, tu fais, bon, on fait chier. Mais en rater un où tu sais qu'il n'y a personne, ça fait vraiment chier. Vrai. Oui, Il y en a qui ont c'est. raté Colgan, c'est qu'ils regrettent. Ah, exactement, ouais. Tiens, en parlant de ça, petit aparté! Il en faut un par vidéo, sinon ça C'est marche ça. pas. Il y a 15 jours, Oui. Nico a été voir Amen Ra par chez lui à Toulouse, si j'ai pas de conneries. Je crois qu'il y a un Et je report vois. disponible sur la chaîne. Tu vois, je te le donne. Et je vois Ok. les affiches, et je dis, eh putain, mec, mais t'as encore une soirée ce soir, faut que tu y ailles. Il me dit, ah bon? Je le raconte à ma façon. Hein. Ouais, Je fais, bah ouais, vraiment. mec, il y a Cold Guns avec Dude 16 Cader en première partie. Il me dit, ouais, mais Cold Guns, j'aime pas trop. Te le laisse, Bob. C'est où qu'on éteint? Écoute, les goûts de chacun. Non, pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu me déçois, Nico. Ah, écoute. De toute façon, je ne pouvais pas faire les deux dans la même semaine. Donc. Eh bah oui, mais bon. Tiens, ça c'est une vraie question. Amènera. Non, Amènera ou Dude 16 Cader, je pense. Ou Dude 16 Cader, Cold Guns. Je pense que je prends Dude 16 Cader, Cold Guns. Je pense. Je pense. Ouais. Parce Question de qu'il y en a goût. deux. Toi, t'es plus Ouais, quantité que qualité, toi. mais. Bah, c'est pas la qualité, peut-être? Ah bah si, si, si, Bon, si. bah alors voilà. Non Non, mais mais je en pense. fait, je m'en suis rendu compte en le disant, c'est pour ça. On va partir trop loin. Reprenons. Bon, Nico, on Avec. en est où? Ben on en est à mon petit groupe du vendredi. C'est-à-dire, je savais plus sur quel jour on était. Du vendredi, à savoir Cripple Black Phoenix, donc groupe qui vient juste d'être rajouté suite à l'annulation de ton groupe de Interview. cœur de Master of Reality. Donc c'est un groupe qui passera en Valais entre 19h35 et 20h35. Donc ils sont 1 heure de show, ce qui est pas mal pour eux. Ils font du post-rock, post-metal, mais globalement c'est très expérimental. C'est ce qu'il faut retenir du groupe. Il y a du piano, il y a du synthé, il y a des cuivres. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est un groupe qui existe depuis 2004, qui a été créé par une personne qui était batteur pour Electric Wizard, donc quand même musicien accompli. Et là, actuellement, ils ont déjà 12 albums, 6 EP et 4 albums live. Donc, hyper productif. Bon, ça, en même temps, ça fait déjà 20 ans. Mais bon, entre tout, ça fait plus d'une sortie par an, ce qui est quand même très très très solide. Bah c'est pour un peu plus définir leur musique, bah, ils ont des morceaux qui sont souvent un peu longs, avec des parties instrumentales au milieu, puis les voix reviennent. Il y a deux voix. Il y a une voix masculine, enfin, il y a même trois voix. Il y a des voix masculines, il y a une voix féminine. C'est des rythmes qui sont souvent à faible BPM, qui sont assez lents, mais ça crée vraiment des effets de voyage et des fois des émotions bien particulières. Je pense que la team, je ferme les yeux, fermeront bien fort les yeux là-dessus. Voilà, après c'est un groupe qui a énormément bougé et qui vraiment, je pense, se veut très expérimental parce que bah, déjà ils sont 7 membres actuellement. Ils ont un nombre d'anciens membres qui est, mais enfin, j'ai pas compté, mais il y en avait au moins une quinzaine déjà de passer dedans. Et ils ont un nombre de personnes qui ont collaboré sur un morceau. C'est une page entière de Wikipédia, c'est impressionnant. Ah non, mais vraiment, tu sais, je commençais à regarder le truc, je me suis dit, ouais, je vais pas relever le nombre, mais voilà, c'est impressionnant. Et c'est un groupe qui est un peu en évolution constante, donc je pense que ça peut être très intéressant de les voir là. Et qu'en fait, si tu les revois dans 10 ans, eh ben, ils te proposeront quelque chose qui sera très certainement totalement différent, parce que le groupe aura encore évolué, aura très certainement encore changé de membre. Voilà. C'est vraiment le projet d'un homme, mais en même temps, tous les musiciens ont l'air d'avoir le droit de ramener leurs pattes un peu au fur et à mesure de leur passage. Donc, groupe anglais. Voilà. C'est tout ce que j'en ai à dire, mais C'est déjà beaucoup, t'as dit beaucoup de trucs. c'est déjà pas mal. Je sais pas si bah Bob, par exemple, tu connais, parce que vu que c'est un ajout de dernière minute, tu connais déjà la Je musique, connais, tu... ils étaient passés en je sais plus quelle année. En 2017, c'est sûr, et j'étais en train de chercher s'il y avait une autre année où ils étaient passés plus proches, et je n'arrive pas à trouver l'information. Ils étaient sous la Plus proche, vallée. ça me parle pas. Bah D'accord. donc, Oh, non, je crois voilà. qu'ils ont fait qu'un passage. Ok, j'ai pas. Mais en fait, j'avais écouté un peu et j'avais pas trop accroché plus que ça. Donc, j'ai pas réécouté derrière. Mais ouais. Tu me disais? Non, pas plus. Bon, Juste, bah, rien. si je peux te conseiller un album pour démarrer, parce que c'est peut-être le plus structuré, c'est celui qui est sorti en 2022. Ou c'est Bind Fire. Avec des petits animaux qui sont en train de qui sont à table. Hop, cet album-là. Est-ce que je suis? Ok. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Si je peux t'en Je vois. conseiller un pour démarrer. Après, voilà. Disons qu'il y a ils ont sorti tellement de choses qui ont tellement évolué que je pense qu'en fonction de ce sur quoi tu commences à écouter, ce sur quoi tu tombes, tu peux apprécier une partie de leur discographie et pas du tout une autre partie aussi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis et de la manière dont tu l'as vendu parce qu'en fait j'ai eu un peu la même expérience que Bob. C'est-à-dire que quand le groupe a été annoncé, j'ai pensé en faire une capsule avec Tonaï en mode bah, ils sont déjà venus donc ça on pourra en parler. Et en fait j'ai regardé un petit peu des extraits et ça m'a pas convaincu, ça m'a pas plus donné envie que ça d'aller voir. Mais tout ce que tu m'as dit toi là ce soir, ça m'a donné envie d'aller fouiller un peu plus parce que je l'avais un peu rangé de côté en mode j'ai pas le temps de me mettre dessus, il a été annoncé sur le tard. Et au final. Bah, si jamais on en a vu un petit peu en 2017, comme tu l'as dit, ça sera peut-être pas la même chose qu'on verrait aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça assez intéressant et j'ai envie justement d'aller creuser ça. Donc moi, j'irai écouter l'album que tu as conseillé parce que tu l'as quand même très très très bien vendu, je trouve. C'était avec plaisir et ouais moi enfin encore une fois j'aime pas tout ce groupe tu vois mais ils ont des titres qui notamment dans cet album-là qui m'ont suffisamment marqué pour me dire j'ai envie de déjà je suis prendre du plaisir à les réécouter et j'ai envie de voilà je connais depuis un certain temps et j'ai envie de voir sur scène. Tu as bien raison. Ben encore une fois, on a plutôt assez vite fait le tour de nos trois groupes, c'est bien, je suis fier de nous. On va pouvoir parler un peu de nos petites mentions de la journée. Alors comme tu disais Jack, c'est une journée un peu plus légère en termes de groupes qui nous font très très envie. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des bons groupes autres que les trois qu'on vient de citer. Donc vas-y, vu que tu avais démarré tout à l'heure, je te laisse Ah ouais, te ça relancer. marche. Et ben moi, je mets une petite mention sur Castelrath quand même, qui est un groupe de Doom qui l'a joué un peu à l'ancienne avec une imagerie très heroic fantasy, avec une chanteuse rousse qui est vraiment, comment dire, tout le groupe a un peu un rôle à jouer, un peu type heroic fantasy et avec des personnages. Et leur musique est vraiment référencée de ouf. Et sans que ce soit pour autant un méga immanquable, j'avais beaucoup aimé cette proposition qui venait trancher radicalement avec d'autres trucs et qui faisait vraiment un mélange parfait entre concert, Broadway, spectacle théâtral. Vraiment, ça fait un peu un mélange des deux. Il y a une histoire sur scène, tu as la mort qui vient, enfin, tu as tout un truc. Et j'ai été plutôt client de cette proposition, alors qu'en temps normal, ça aurait pu ne pas marcher. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Je parlerai aussi d'Arabrot parce que justement, pour le coup, un groupe dont j'ai fait une capsule avec Tenaille, on en a beaucoup parlé et ça a vraiment changé parce qu'Arabrot, je les ai déjà vus lors de son précédent passage où il était plus en solo, alors qu'aujourd'hui, il fait beaucoup plus de choses avec sa femme et que tout ce qu'il propose est vraiment artistique, quoi. C'est une, enfin, toute leur vie même, de tout ce qu'ils vivent, c'est de l'art, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant, sans forcément être client à 100% de ce que ça propose musicalement. Je suis beaucoup plus intéressé par l'ensemble de la proposition directement, et ça rejoint un peu comme l'idée de Castelrath d'une proposition quoi. Et je mettrai toujours parce que j'adore chaque fois qu'il passe, mais pourquoi pas retourner voir Sacred Reich, qui quand même hein, n'est jamais décevant et fait toujours plaisir. Ça, on y va, hein, du bon thrash à l'ancienne, mais d'une efficacité incroyable. Et aussi, je garderai en dernier petit choix un petit Sex Pistols et Frank Carter parce que je reste curieux une nouvelle fois de la proposition, du mélange des genres avec un Frank Carter qui, cette fois un peu libéré de sa carrière à lui, peut se permettre d'être encore plus fou qu'il n'est à la base. Et avec les Sex Pistols, qui est un des groupes qu'il a le plus aimé, bah, en vrai, ça peut être qu'un mélange méga détonnant. En Warzone, pour clôturer. En vrai, ça doit être un méga bordel. Et voir à la fois des musiciens vieillissants et qui ont plus de mal et un Frank Carter qui est bouillonnant, je pense que ça vaut le détour pour au moins dire, bah je l'ai vu, c'était peut-être pas ouf, mais moi je l'ai vu. Donc voilà, moi, pour ces quatre propositions de groupe. Ah, c'est sûr que enfin, pour rebondir sur Frank Carter, je pense que tu n'auras pas d'autres occasions de voir ça, enfin de les revoir parce que il va. C'est une tournée, c'est une configuration comme ça et ça va s'arrêter rapidement, logiquement. Hein. Donc je comprends assez l'argument en tout cas. Bob, de ton côté, tes petites mentions. Ouais, à peu près pareil en fait. Hein. C'est vrai que sur Castelrock, t'as juste oublié un truc, c'est qu'en fait, musicalement, c'est pas du tout jeu de rôle, tout ça. Hein. On n'est pas Non, non, non, vraiment. non, non, non, On j'ai est plus complètement plus sur du Black Sabbath où du c'est ça double aussi infiltration. Ça, bon, tout à fait. le truc qui fait que c'est intéressant, c'est justement que c'est pas exagéré dans leur musique, quoi. Non, non, non, C'est c'est vrai, que. tu vois bien, oui, Voilà. c'est pas grotesque, la musique est faite sérieusement, avec Voilà, des ouais. vraies références, mais oui, tu fais bien de compléments. Donc il y a ça que je trouve assez intéressant ouais, avec les mecs costumés sur scène, tout ça, qui, comme tu le disais. Il y a Hermano aussi, que je voudrais voir. Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais dit non, moi, pour Sex Pistols, mais je suis assez curieux quand même, Ah, tu vois. maintenant que l'idée a un petit peu mûri dans ma tête. Vas-y, pourquoi pas? Et en Même même si temps, quitte en à aller face. voir une ou deux chansons. Puis en face, je suis pas sûr que tu sois très client d'Ailung ou de In Extremo. Donc. Non, Ça ou aller c'est te. sûr. Les Sex Pistols ou aller te Non, coucher, tu peux toujours aller il y a voir les Sex Steak, Pistols. ouais. Il y a Hermano. Juste Ah ouais, avant, non, ouais. c'est pas en face. Non, c'est juste avant. Donc Pardon. c'est bon. Ouais, ça colle. Donc ouais, non, complètement. Après, c'est vrai que c'est pas une journée ouf hein, quand même. Donc pourquoi pas Belloré le matin en temple. Ah oui, Belloré, j'avais compris, oui. Ouais, Belloré. Bien sûr, très bien, Belloré, très bien. Ouais. Après, ouais, Sacré Reich. Mais ouais, non, il n'y a pas grand choix de voilà qui m'a ça m'a pas marqué plus que ça le vendredi. Il y a Luc Arbogast quand même, t'as un peu oublié C'est de. vrai. C'est vrai. Chante bien. Si, t'as oublié un groupe, t'as oublié un groupe. Ah, attends. En main stage 1, 13h30. Ah oui, la strain. Bah oui. Bah, quand même! Ouais, c'est vrai, mais c'est pas autant pour la musique, c'est plus pour le côté jeune qu'en veut. Tu vois, c'est plus ça. Mais oui, après, c'est vrai que les gars ont tourné, ont fait une sacrée tournée, ils sont ouverts pour Johnny Hallyday, machin. C'est assez impressionnant la carrière qu'ils ont eue, enfin, la carrière qu'ils ont, le début de carrière qu'ils ont. C'est assez impressionnant. Moi je suis pas un gros fan, hein, ça m'intéresse même pas. Mais voilà, je trouve que l'histoire du groupe qui est très jeune est assez impressionnante. Voilà. C'est Bah tout pour moi. écoutez, moi de mon côté, bon alors on a déjà parlé de Warm Sand encore et encore, donc pas besoin d'y revenir. Je citerai les Suisses de Morgarten qui font. Bah, c'est du black epic, un peu folk sur les bords. Alors le folk, c'est pas du tout de base ce qui marche sur moi, mais le côté black epic. Bah, est bien équilibré pour moi, donc ça fait partie des groupes que je pourrais aller voir facilement en temple dès le matin. Voilà, après, Je te rejoins sur voilà, Morgarten. C'est moi j'avais bien c'est aimé le. pour le coup un des seuls groupes de temple de la journée qui est une journée folk qui m'arrête vraiment parce que j'ai pas été. Belloré, t'as pas aimé? Alors j'avais mis ça en pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pas trop réécouté, Il y a un live en studio qui est sorti récemment. Je te le conseille. Ok, Très bah propre, écoute. très très très très bien. Je rejetterai une oreille dessus. Et après le dernier groupe qui moi m'a bien plu, même si je sais que vous en avez fait une critique assez dure, c'est Future Palace. Moi, j'étais pas le plus dur, hein. J'étais pas le. Qui effectivement est bah, très très grand public, ça il n'y a pas de débat là-dessus, qui passera en main stage, mais en fait ils se disent post-hardcore, donc c'est du post-hardcore gentil, mais je trouve Très gentil. qu'il y a un truc, il y a un truc qui fonctionne bien, en tout cas qui moi me parle pas trop mal, dès qu'ils sont pas trop dans leurs influences dark wave qu'ils ont parfois, il y a pas mal de morceaux qui ont pu justement me plaire dès qu'ils ont oublié un peu leur électro. Donc sur une journée qui est faible au niveau des groupes que j'apprécie vraiment, je pense que je pourrais largement aller découvrir Future Palace en live. Mais tu vois, j'avais pas le souvenir que tu avais été si gentil que ça avec eux. Non, je dis pas que j'étais gentil, j'ai été Ah le moins méchant. ouais. C'est pas Ah ben, je de vois la tête. mémoire. Après, je me trompe peut-être, hein, Ouais. mais je Bah, crois que j'aurais été le je moins vois la méchant. tête de Bob, là, j'ai pas de doute de ce qu'il en Et a pensé. je crois que ça devait être Parsi qui avait dû être la plus dure, je crois. Et Ça me parle, ouais. j'avais été un peu nuancé sur des trucs, mais voilà. Mais peut-être que je m'égare. Et après un petit bug, désolé les gars, donc je vous disais juste en conclusion, est-ce que c'était une belle journée rock pour ceux qui aimaient ça? Est-ce que notamment avec Moi, j'avais une Muse, meilleure conclusion que toi, moi. dis-moi. J'avais une meilleure conclusion que toi, qui était, c'est une très belle journée pour les gens qui aiment les groupes qui sont programmés. Oui, bah ça jusque-là. Ça, jusque-là, on est toujours d'accord. Non, j'allais juste vous demander si Muse, vous étiez intrigué ou pas du tout par ce qu'ils peuvent proposer sur le festival. Alors moi, je ne suis pas fan de Muse, mais je connais bien et je les ai même déjà vus une fois au Stade de France en accompagnant Et bah, j'ai pas été fan de la proposition parce que c'était un concert bah, pour le coup très très mainstream avec tout ce que je peux ne pas aimer là-dedans. Et même s'ils font une prestation plus rock au Hellfest, je suis pas sûr d'avoir envie d'aller voir ça. Ou alors je regarderai ça de loin pour voir si est-ce qu'ils ont effectivement réarrangé leur set en fonction de là où ils jouaient ou si c'est juste du Muse. Mais je suis pas sûr qu'un cas soit mieux que l'autre en fait. Je suis pas sûr que ça soit mieux à défendre. Mais pour moi, par contre, je fais partie de la team qui n'est pas choquée de les voir en tout cas. Bob, Tu peux y aller, Bob, toi, t'en as rien à faire. oui. Non, bah déjà, moi de base, je suis pas fan de Muse, donc j'ai pas, j'ai entendu quelques morceaux. Quoi? J'ai dit moi non plus, je suis pas fan. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais voilà, après, j'ai pas, je n'ai jamais suivi vraiment en fait Muse, donc non, ça me glisse dessus. Ouais. Eh bien. Non, j'avoue que moi c'est pareil, c'est pas, je courais pas voir Muse, sachant qu'en plus il y a du Hermano ou du Sacred Reich en même temps. C'est quand même Bah ouais. voilà. Bah, Ça, et puis pour on le est coup, d'accord. tu vois, pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis, Jack, sur le est-ce qu'il faut qu'il fasse une setlist adaptée pour le Hellfest? Bah, je sais pas trop, tu vois. Linkin Park, par exemple, avait assumé leur en 2017 leur orientation beaucoup plus alternative, voire même pop, de leur dernier album en live. Alors avec bah, le retour des festivaliers qu'ils avaient eu à l'époque, mais au moins ils avaient assumé la chose jusqu'au bout. Est-ce que Muse, qui fasse entre guillemets quelque chose qui ferait pas le reste du temps juste parce qu'ils sont programmés au Hellfest, est-ce que ça serait pas un peu contre nature finalement? Ah ouais, sauf si c'est dans leur habitude quand ils sont programmés, parce qu'on sait qu'ils l'ont fait dans d'autres festivals et que genre, justement ils voient ça un peu comme une récréation de leur côté, sauf ça. Mais en vrai, je sais pas, parce que les gens qui aiment bien Muse, ils ont envie de voir Muse, ils ont pas envie de voir Muse qui veut jouer aux méchants. Ouais. C'est pour ça. Voilà. Mais bon, c'était voilà, c'était peut-être la petite aparté parce que c'était le. Bah, c'est peut-être la tête d'affiche qui a fait le plus parler de cette édition. Parce que beaucoup plus rock. Voilà. Bon, Je mais suis les d'accord gars. avec ça et ça a justifié selon moi. Ouais, pareil, y a toujours pire. Oui, Hein. bien pire. Bah les gars, merci pour ces immanquables du vendredi. On va, nous, de notre côté, enchaîner sur le samedi, sur le dimanche. On peut déjà retrouver le jeudi. Bah je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. À tout de suite, mec.